Vous écoutez Radio Ezo, votre radio ésotérique, les ondes de votre moi, votre fréquence intérieure. Voici maintenant le moment le plus élevé de la journée, car c'est l'heure de l'émission « Écoute ton karma » avec le grand disparu. Bonjour à tous, je suis le grand disparu. Et j'accueille avec vous les nouvelles tendances ésotériques et spirituelles. Aujourd'hui, notre invitée spéciale, la grande Alta. Mais d'abord, une petite pause publicitaire. Ça y est, vous avez décidé d'avoir un enfant. Le rêve de toute une vie. Vous avez décidé de bâtir et de contribuer au peuplement de la nation. Bravo! Mais vous craignez être trop occupé par vos occupations professionnelles pour vous occuper de cette progéniture tant désirée. Ah ah! Mais nous sommes là pour vous aider. Nous, la compagnie des plans de préarrangement à la naissance. Avec le plan de préarrangement à la naissance, nous, on s'occupe de tout. On ira chercher le nourrisson à l'hôpital, on s'occupera de changer ses couches, on s'occupera de ses anniversaires, on s'occupera de lui trouver des amis, d'aller le reconduire à l'école et de l'aider à faire ses devoirs. Plus tard, un adolescent fringant, nous nous occuperons de ses occupations. Nous lui trouverons une petite amie s'il le faut. Et nous nous occuperons de son bal de graduation. Et oui, avec les préarrangements à la naissance, nous, on s'occupe de tout. Et comme cela, vous pourrez avoir un enfant et votre carrière n'en sera pas touchée. Contactez-nous! Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Ezo, votre radio ésotérique, et je suis toujours le grand disparu. Nous accueillerons aujourd'hui la grande Alta, qui possède un don unique en son genre. Mais auparavant, une petite pause musicale. Découvrons ensemble la nouveauté du gourou chantant Esmenios Strapopoulos, intitulé « Laisse-moi être ton guide et laisse-toi téléguider, ma chérie ». Laisse-moi être ton guide et laisse-toi téléguider. Laisse-moi être ton guide, petit innocent. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Ezo avec le grand disparu. Je sais, vous êtes tous tellement impatients de rencontrer la grande Alta. Mais un peu de patience comme les moines. Auparavant, nous avons les nouvelles ésotériques de la semaine avec le petit lama. À vous, petit lama. Merci beaucoup, gland dispalu. Un mouton enlevé par des éclats terrestres. Eh oui, croyez-le ou non, un des moutons de M. McKinley en Écosse a été enlevé par des extraterrestres. Le Belge a assisté impuissant à l'enlèvement. Toutefois, il avait affaire à des extraterrestres très civilisés. Ces derniers ont laissé un chandail en pure laine vierge à M. McKinley en le tour et en le merciement. Des mules qui parlent. Eh oui, on savait que les mules ont des oreilles, mais on a découvert qu'ils peuvent aussi avoir une langue. En effet, les mules de la maison de Madame de la Gibetiel, dans le sud de la France, parlent. Étonnant! Mais le problème est, comme ce sont des mules français, ils parlent tout le temps et ils veulent toujours avoir raison. Madame de la Gibetiel en a assez et elle songe à aller vivre au sommet de Poteau. Et c'était tout pour les nouvelles ésotériques d'aujourd'hui. À vous l'antenne, gland disparu. Merci beaucoup, petit lama, pour ces excitantes nouvelles. Ah, patience, patience, mes amis, la grande Alta s'en vient. Faites-vous donc brûler quelques bons bâtons d'encens et écoutons ensemble cette petite pause publicitaire. Mettez du neuf dans votre discothèque ésotérique. En effet, l'album volume 1 du Tricheur masqué remix les grands succès ésotériques est disponible présentement. écoutez cet air classique, Le rêve au bord d'un nuage. Et que dire de cet excitant remix du Ressommeil reprofond? Vous aurez aussi l'heure exquise interne. Vous souvenez-vous de ce vieux succès fringant et excitant? Et oui, tout cela et beaucoup plus dans l'album du Tricheur Masqué Remix Les Grands Succès Ésotériques, disponible un peu partout dans votre intérieur. Et voici enfin, mes amis, le moment tant attendu. La Grande Alta est maintenant avec nous. Hey, bienvenue à Radio Ezo, Grande Alta. Bonjour. Grande Alta, parlez-nous tout de suite de votre spécialité, de ce don si rare. Non seulement vous lisez dans les poils qui dépassent du nez, mais vous ne pouvez prédire que le passé et pas du tout le futur. Est-ce exact? Eh oui, c'est tout à fait exact. Mais ma foi, Grande Alta, en quoi est-ce que ça pourrait nous être utile de se faire lire notre passé dans nos poils de nez? Ah bien, par exemple, ce matin, j'avais comme client M. Z, et j'ai lu dans ses poils de nez que hier soir, sa femme l'a trompé. Vous voyez, ça peut être très utile, quoi. Ah, là, je vois, je saisis. Eh bien, Grande Alta, c'est tout le temps que nous avions aujourd'hui. Vous êtes à l'antenne de Radio Ezo. Et je cède l'antenne aux prochaines émissions. À bientôt, avec le grand disparu.